J'étais sur mon chemin, j'ai vu v'là les rats s'égarer. Personne qui leur tenait la main, sauf les bâtiaux jusqu'au palais. C'est comme ça que ça se passe ici, des soucis pour les paresseux. Les vaillants qui partent dans les îles, les ramesh qui tournent à part Dieu. Ces vieux rappeurs, je les prends par 10, menteurs, ils inventent dans leurs disques. Moi aussi, je pourrais faire croire que j'ai un terrain qui tourne à 6 par heure. Mais c'est pas vrai, donc je le dis pas, eux ils insistent. Très sombre dans l'écriture, ils revendiquent le satanisme. Mais al-shaitan, c'est haram d'être un artiste. C'est encore pire, faire des doigts pour que je sois triste, que je coule. Que je passe le neyek sur la piste. Dans l'ivresse donc dans la hesse, la bouche qui empêche le passiste. Parenthèse pour les salopes, tous ces petits putes qu'on traumatise. Ceux qui payent pas, c'est une grosse tarte, une deuxième pub bar la carte grise. On les fuck, fuck tellement qu'ils sont plus sur la liste. Leur chaîne les tient en laisse, les fait chanter comme des choristes. Ils font les barjots à la test, mais moi j'ai des choses qui m'attristent. Ils veulent test, mais leur vie c'est du gâchis. Des histoires ils se cachent, et ils parlent de tenir la gâchette. Et en cachette, ils donnent des infos à la proxy. Leur père les proxénètes, dit leur même saute à ma gauchie. Kamehavi, même ta grand-mère elle est sous shit, ça va trop vite. Deux ans que j'envoie mais pas de hit. J'attends mon tour et toi poteau t'attends la suite. Toujours les mêmes mouilles qui nous envoient des pics. Mais Ma'ali, j'attends mon tour et je persiste. Toujours les mêmes mouilles qui nous envoient des pics. Mais Ma'ali, j'attends mon tour et je persiste. Et au mitard, les rouilles, ils attendent le jour des frites. On veut être libre mais pour être bien faut prendre des risques. Et au mitard, les rouilles, ils attendent le jour des frites. On veut être libre, mais pour être bien, faut prendre des risques. Y'a trop courir derrière ce qu'on veut. Ben, obtient tout ce qu'on veut pas. La tôle est son mandat d'arrêt. Faut arrêter avec nos faux pas. C'est quand qu'on perce. La rire, on bosse et on persiste. On l'a jamais joué perso. Je me mélange chez moi aux artistes. Et Lyon, c'est chaud. Les manguettes, c'est criminel. Pyramide, Léo, la blanche, surveillée par des sentinelles. La Darnesse, c'est le Brésil. Sache que ta mère, elle opinelle. Vos opinions s'en bat les couilles. Entre nous, y'a plus lien noué. Va te bouer pour le rad à zup. La rôde sous alcool noyé. Pour piner sa vie, ta sœur et des apparences, faut se méfier. On sait que le diable, il est hami, mais c'est rien comparé aux dames. Regarde. Tu déclares ta flamme, oh madame, c'est ainsi va la vie. Les gens ils te laissent à ta merci, je nous nais, ça te récite pas de verser, ça te donne un sdeh et par d'ici, pas de parasol, ça gratte, y'a une chaleur caniculaire. Fais-nous pas de canular ou on va te violenter ta mère, c'est dans les temps. Je m'amuse, que je vous envoie des rimes sans hésiter. Dis-moi le gros si c'est pas terrible. Dans le check c'est qui la terreur, celui qui réclame ça paye le 6. Je regrette l'époque où sur le terrain, gros technicien, j'étais le 10, c'est pas les fous. Je vais réussir sans marabout, une paire d'Azix ou DTN. Pour moi non, il change pas mes goûts. Sur Bête Lacoste c'est démodé, mais à Lyon on s'en bat les couilles. On barre la route si t'es bizarre, ça ton égard on a des doutes. Parce que moi je sais que la trahison, bah au plus profond ça dégoûte. Y'en a qui collent, qui se relèvent pas, mais ça vient que c'est chacun sa route. Quand t'as rien well ou dans les poches, le regard d'autrui t'as rien à foutre. Laisse pas aller, faut que tu sois fort, même si avec toi tu vois que les rats, bah ils partagent plus leur casse-croûte. Rien à foutre de la vie des gens, elle veut que je la wette. Après le shopping sur les champs, c'est le 6-9 allemand.